Chapitre 18 Mime. Ophélie resta immobile et silencieuse un long moment, son oreille suspendue dans le vaisselier. Elle se rendit à l'évidence. Il n'y avait plus personne au salon rouge. Elle reposa le miroir sur le lit. Il pesait tellement lourd qu'elle en avait mal au poignet. « Alors, mademoiselle ?» demanda Pistache avec un sourire mutin. « Vous avez entendu quoi ?» « Il va y avoir du changement, » murmura Ophélie. « Du changement ? Quel changement ?»« Je ne sais pas encore. » Ophélie avait un mauvais pressentiment. Thorn et Bérénilde ne prendraient pas le risque de la laisser seule au manoir. Ils ne lui faisaient pas assez confiance pour ça. Quel sort lui réserverait-on ? « Mademoiselle, mademoiselle, venez voir !» Pistache bondissait de joie devant la fenêtre, ses nattes dansant sur ses épaules. Ophélie battit des paupières sous ses lunettes, éblouie. Un soleil resplendissant était en train de percer les nuages de ses flèches d'or. Le ciel devint si bleu, les couleurs du parc si flamboyantes que ça en faisait mal aux yeux après toute cette grisaille. Ophélie en déduisit qu'au moins Bérénilde n'était plus fâchée contre elle. On frappa à la porte. Ophélie se dépêcha de cacher le miroir à main sous un oreiller et fit signe à Pistache qu'elle pouvait ouvrir. C'était Thorn. Il entra sans cérémonie, poussa Pistache dans le couloir et referma la porte. Il trouva Ophélie assise dans un fauteuil, un livre à la main, son écharpe sur les genoux. Elle n'était pas suffisamment bonne comédienne pour feindre la surprise, aussi se contenta-t-elle d'escalader des yeux la silhouette interminable qui se dressait devant elle. Le temps a changé, constata-t-elle. Thorn se planta devant la fenêtre, rigide comme un chevalet, les mains croisées dans le dos. La lumière du jour semblait rendre son profil plus pâle et plus anguleux qu'il ne l'était déjà. Nous venons de recevoir une visite déplaisante, lâcha-t-il du bout des lèvres. En fait, la situation pourrait difficilement se présenter plus mal. Ophélie s'étonna de voir soudain Thorn en bleu, puis elle comprit que c'était ses lunettes qui avaient pris cette teinte. Le bleu était la couleur de l'appréhension. « Expliquez-vous. »« Vous partez ce soir. » Il s'exprimait d'un ton brusque et saccadé. Ophélie avait d'abord cru qu'il regardait par la fenêtre, mais il n'en était rien. Son œil gris était figé de fureur sous le sourcil balafré. La colère le suffoquait. Elle irradia hors de lui, transperçant le front d'Ophélie de 1000 piqûres d'aiguilles. C'était décidément une manie familiale de se passer les nerfs sur la cervelle des gens. « Où ? » souffla-t-elle. « Dans le nid d'un vautour dénommé Archibald. C'est notre ambassadeur et le bras droit de Farouk. Vous y accompagnerez ma tante jusqu'au terme de sa grossesse. » Assise dans son fauteuil, Ophélie avait l'impression que les coussins, le rembourrage et les ressorts se dérobaient sous elle. Si Archibald la voyait, il la trahirait devant tout le monde. « Mais pourquoi ? » balbutia-t-elle. « N'étais-je pas censée être tenue au secret ?» D'un geste excédé, Thorn tira les tentures de la fenêtre comme si toute cette lumière l'agressait. « Nous ne pouvons pas faire autrement. Vous et votre chaperon vous ferez passer pour des membres de notre domesticité. » Ophélie contempla le feu qui crépitait dans la cheminée. Même si elle se grimait en servante, Archibald la reconnaîtrait et dénoncerait son imposture. Il l'avait immédiatement repérée au beau milieu d'un bal costumé. Cet homme-là avait un sens de l'observation diabolique. « Je ne veux pas !» déclara-t-elle en refermant son livre. « Nous ne sommes pas des pions que vous pouvez manipuler à votre guise, monsieur. Je souhaite rester au manoir, avec ma tante. » Pour la peine, Thorn fit descendre sur elle un regard interdit. Ophélie crut un instant qu'il allait se mettre en colère et lâcher ses griffes sur elle, mais il se contenta d'aspirer bruyamment par le nez, impatient. « Je ne commettrai pas l'erreur de prendre votre refus à la légère. Il vaut mieux vous convaincre que vous contraindre. Je me trompe ?» Ophélie haussa les sourcils, prise au dépourvu. Thorn s'empara d'une chaise et s'assit à quelque distance du fauteuil, ses articulations pliant tant bien que mal les jambes trop grandes. Il posa ses coudes sur ses genoux, jucha son menton sur ses poings et planta ses yeux métalliques tout au fond des lunettes d'Ophélie. Je ne suis pas un grand bavard, dit-il enfin. J'ai toujours considéré que parler était une perte de temps, mais j'espère que vous l'aurez remarqué, j'essaie d'aller à l'encontre de ma nature. Ophélie tapota nerveusement la couverture de son livre. Où Thorne voulait-il en venir ? Vous n'êtes pas une pipelette non plus, enchaîna-t-il avec son accent trop dur. Si ça m'a soulagé au début, je vous avoue que vos silences ont maintenant plutôt tendance à m'embarrasser. Je n'ai pas la prétention de vous croire heureuse, mais au fond, je n'ai pas la plus petite idée de l'opinion que vous vous faites de moi. Thorne se tut comme s'il attendait une réponse, mais Ophélie fut incapable d'articuler un mot. Elle s'était attendue à tout, sauf à cette déclaration. Ce qu'elle pensait de lui, depuis quand s'en souciait-il ? Il n'avait même pas confiance en elle. Pensif, Thorne laissa tomber son regard sur l'écharpe roulée en boule au creux des genoux de la jeune fille. « Vous aviez raison l'autre jour. Je n'ai pas assez pris le temps, ni de vous connaître, ni de vous permettre de me connaître en retour. Ce n'est pas dans mes habitudes de faire des concessions, mais j'admets que j'aurais dû avoir une autre attitude envers vous. » Il s'interrompit net quand il releva les yeux vers Ophélie. Horriblement gênée, elle s'aperçut qu'elle saignait du nez. « Ce doit être la chaleur de la cheminée, » bredouilla-t-elle en tirant un mouchoir de sa manche. Ophélie se pencha dans son mouchoir tandis que Thorne patientait, hiératique, sur sa chaise. Il n'y avait qu'elle pour se mettre dans une situation aussi ridicule alors que les circonstances ne s'y prêtaient pas du tout. « Peu importe, » marmonna Thorne avec un coup d'œil pour sa montre. « De toute façon, je ne suis pas doué pour ces choses-là. » Et leur tourne. Il inspira profondément puis enchaîna d'un ton plus formel. « Voici les faits. Archibald va accueillir ma tante en son domaine du clair de lune pour me permettre de rattraper mes retards. Du moins, c'est la version officielle, car je redoute que ce nuisible mijote autre chose. » « Le plus sage ne serait-il pas que je reste ici, alors ?» insista Ophélie, le nez dans son mouchoir. « Non. Même dans la tanière d'un loup, vous seriez infiniment plus en sécurité auprès de ma tante que seule au manoir. » « Frigia sait que vous êtes ici et croyez-moi, elle ne vous veut pas que du bien. Tous les domestiques de cette demeure ne suffiraient pas à vous protéger contre elle. » Ophélie devait admettre qu'elle n'avait pas pensé à cela. À choisir entre Frigia et Archibald, elle préférait encore Archibald. « Est-ce à cela que se résumera toujours mon existence ? » murmura-t-elle avec amertume. « Vivre dans les jupons de votre tante ?» Thorne remonta sa montre et fixa un long moment le cadran. Ophélie compta beaucoup de tic-tac pendant ce silence. « Je ne suis pas un homme assez disponible pour veiller convenablement sur vous. » Il tira d'une poche un petit calepin d'argent et griffonna une note au crayon. « Voici l'adresse de l'intendance. Mémorisez-la bien. Si vous vous trouvez en difficulté, si vous avez besoin d'aide, venez me voir. » sans attirer l'attention. Ophélie fixa la petite feuille de papier. C'était bien aimable, mais ça ne résolvait pas son problème. Cet Archibald ne se doutera-t-il jamais de mon identité si je passe les prochains mois chez lui ? Les yeux de Thorne se réduisirent à deux fentes étroites. Il ne doit pas s'en douter. Ne vous fiez pas à ses sourires niais. C'est un homme dangereux. S'il apprend qui vous êtes, il se fera un devoir de vous déshonorer pour le simple plaisir de m'humilier. Faites donc très attention à contrôler votre animisme. » Ophélie repoussa sa masse de cheveux derrière ses épaules. Ne pas se trahir allait devenir un véritable tour de force. « Ce n'est pas seulement devant Archibald que vous devrez prendre d'extrêmes précautions. » poursuivit Thorne en détachant chaque syllabe. Mais devant l'ensemble de sa famille. Ces gens-là sont reliés les uns aux autres. Ce que l'un voit, tout le monde le voit. Ce que l'un entend, tout le monde l'entend. Ce que l'un sait, tout le monde le sait. On les appelle la toile. Vous les repérerez à la marque qu'ils portent sur le front. Les dernières paroles d'Archibald revinrent à Ophélie comme une décharge électrique. « Dites à votre cousine de ne pas raconter tout et n'importe quoi à ceux qui portent cette marque. Ça pourrait un jour se retourner contre elle. » Cette nuit-là, toute la famille d'Archibald avait donc été témoin de leur rencontre. Connaissaient-ils tous son visage à présent? Ophélie se sentait acculée. Elle ne pouvait pas mentir plus longtemps à Thorne et à Bérénilde. Elle devait leur dire ce qui s'était passé. « Écoutez !» souffla-t-elle d'une petite voix. Thorne interpréta son embarras tout autrement. « Vous devez penser que je vous jette dans la fosse au lion avec une belle insouciance !» dit-il d'une voix plus lourde. « Je vous le montre mal, mais votre sort est une réelle préoccupation pour moi. Si la moindre offense vient à vous être faite dans mon dos, « ça se paiera, au prix fort !» Thorne referma le couvercle de sa montre dans un cliquetis de métal. Il s'en fut aussi soudainement qu'il était venu, laissant Ophélie en tête-à-tête avec sa mauvaise conscience. Elle frappa plusieurs fois à la porte de sa chambre, demandant à voir Bérénilde, répétant que c'était très important, mais on ne put rien faire pour elle. « Madame est très, très, très occupée !» lui expliqua Pistache dans l'entrebâillement de la porte. « Soyez patiente, mademoiselle, je vous ouvrirai bientôt. Je dois vous laisser » s'exclama-t-elle comme un son de clochette retentissait au loin. Ophélie eut un faux espoir 2 heures plus tard, quand il y eut un bruit de clé à la serrure. C'était la tante Roseline qu'ils avaient oubliée dans le cabinet de lecture et qu'ils venaient de faire monter. « C'est intolérable !» éclata-t-elle, verte de colère. « Ces gens nous enferment continuellement comme des voleuses. Et puis qu'est-ce qui se passe d'abord? Il y a des malles partout en bas. On vide le manoir ?» Ophélie lui raconta ce que Thorne venait de lui dire, mais cela mit la tante Roseline de plus mauvaise humeur encore. « Comment donc? Ce Butor était seul avec toi ici, sans personne pour vous chaperonner? Il ne t'a pas trop malmené au moins. Et c'est quoi cette histoire d'aller jouer les domestiques ailleurs? C'est qui cet Archimède ?» Ophélie songea un instant à se confier davantage, mais elle comprit vite que la tante Roseline n'était pas la bonne personne pour le faire. Elle eut déjà toutes les peines du monde à lui expliquer ce que Thorne et Bérénilde attendaient d'elle. Après une longue conversation et beaucoup de répétitions, Ophélie se rassit dans son fauteuil pendant que la tante Roseline marchait en rond dans la chambre. Elles passèrent une bonne partie de la journée à écouter le branle-bas général qui secouait la demeure. On apprêtait les malles, on sortait les robes, on repassait les jupes au fil des ordres de Bérénilde, dont la voix, forte et claire, résonnait dans tous les couloirs. Au dehors, le jour déclinait. Ophélie ramena ses jambes contre elle et cala son menton sur ses genoux. Elle avait beau réfléchir, elle s'en voulait de ne pas avoir dit immédiatement la vérité à Thorne. Quoi qu'elle fît, à présent, il était beaucoup trop tard. « Récapitulons, » raisonna-t-elle en silence. « Les dragons veulent se débarrasser de moi parce que j'épouse leur bâtard. Les mirages veulent ma mort parce que j'épouse un dragon. Archibald veut me mettre dans son lit parce que ça l'amuse et à travers lui, c'est à toute la toile que j'ai menti. Mes seuls alliés sont Bérénilde et Thorne. Mais j'ai réussi à me mettre l'une à dos et je ne vais pas tarder à en faire autant avec le second. » Ophélie enfouit la tête dans sa robe. Cet univers était beaucoup trop compliqué pour elle. La nostalgie de son ancienne vie lui tordait le ventre. Elle tressaillit lorsque la porte de la chambre s'ouvrit enfin. « Madame souhaiterait s'entretenir avec mademoiselle, » annonça le majordome. « Si mademoiselle veut bien me suivre. » Ophélie le suivit jusque dans le grand salon dont le tapis était recouvert de boîtes à chapeaux. « Ma chère petite, il me tardait de vous parler. » Bérénilde rayonnait comme une étoile. Poudrée de la tête aux pieds, elle paradait en corset et cotillon blanc sans aucun sens de la pudeur. Il émanait d'elle une forte odeur de fer à friser. « Moi aussi, madame, » dit Ophélie en prenant une inspiration. « Non, pas de madame. À la corbeille, elle est madame. Appelez-moi par mon prénom. Appelez-moi ma tante. Appelez-moi même « maman, si vous voulez. Et maintenant, exprimez-vous en toute franchise. » Bérénilde pivota gracieusement pour lui offrir son profil galbé à la perfection. Me trouvez-vous ronde ? Ronde ? Balbutia Ophélie déconcertée. Ma foi, non, mais... Bérénilde l'étreignit théâtralement dans ses bras, lui couvrant les vêtements de poudre. Je me reproche mon attitude enfantine envers vous, ma fille. Je vous en ai voulu comme une vraie adolescente, mais c'est oublié à présent. Les joues de Bérénilde étaient roses de plaisir et ses yeux brillaient. Une femme amoureuse, tout simplement. Farouk s'était inquiété pour elle, elle triomphait. Thorne vous a expliqué ce qui nous arrive, je crois. Je pense que la proposition d'Archibald est la meilleure chance qui pouvait nous être offerte. Bérénilde s'assit devant sa coiffeuse où trois miroirs reflétèrent son beau visage sous des angles différents. Elle appuya sur la poire d'une bouteille de parfum pour s'en vaporiser le corsage. Ophélie éternua. « Voyez-vous, » reprit Bérénilde d'un air plus grave, « je pense que l'existence que nous menions n'était pas viable. Il est périlleux pour des courtisans de se couper ainsi des autres et, pour être parfaitement franche, je crois que cela ne fera pas de tort à mon neveu d'être un peu privé de vous. » Avec une pointe d'ironie au creux des lèvres, vaguement troublée aussi, elle sourit au reflet d'Ophélie qui se tenait les bras ballants derrière elle. « Ce garçon s'est ramolli depuis qu'il vous a enlevé à votre famille. Je le trouve excessivement compréhensif avec vous. Ça ne lui ressemble pas. Et moi qui me flattais devant vous de régner sans partage sur son cœur, je vous avoue avoir éprouvé une pincée de jalousie. » Ophélie l'écoutait à peine, trop concentrée sur les paroles qu'elle devait prononcer à présent. « Madame, j'ai déjà rencontré Monsieur Archibald. »« Madame, j'ai... »« Le passé, c'est le passé !» la coupa Bérénilde. « Ce qui compte, c'est ce qui vient. Je vais enfin pouvoir vous initier aux subtilités retorses de la cour. »« Attendez, madame, j'ai... » »« Car vous, ma chère Ophélie, vous allez faire partie de ma suite !» ajouta Bérénilde avant de crier. « Maman !» Bérénilde claqua des doigts, superbe. La grand-mère s'avança lentement, son sourire de tortue lui fendant le visage. Elle présenta à Ophélie un petit coffre qui sentait fort la naphtaline. Une robe noire, un peu bizarre, était pliée dedans. « Déshabillez-vous !» ordonna Bérénilde en s'allumant une cigarette. « Écoutez, » insista Ophélie, « j'ai déjà... » Aidez-la, maman. Cet enfant est trop pudibonde. » Avec des gestes doux, la grand-mère dégrafa la robe d'Ophélie jusqu'à ce qu'elle fût tombée à ses pieds. Frissonnante, les bras croisés sur la poitrine, elle ne portait plus qu'une toilette de coton sur le dos. Si Thorne entrait maintenant dans le salon, elle aurait l'air fine. « Était-ce aussi ma petite fille ? » dit la grand-mère. Elle lui tendit la robe noire que contenait le petit coffre. De plus en plus décontenancée, Ophélie s'aperçut, en déroulant le lourd velours rehaussé de galons en argent, que ce n'était pas là un habit de femme. « Une livrée de valet ? On va vous apporter une chemise et des chausses. Enfilez-la donc, pour voir. » Ophélie passa la tête dans le col étroit de l'uniforme qui lui retomba jusqu'aux cuisses. Bérénilde souffla un nuage de fumée à travers son sourire satisfait. « À compter de cette nuit, vous vous appelez Mime. » Interloquée, Ophélie découvrit dans le triple miroir de Bérénilde un reflet qu'elle ne reconnut pas. Un petit homme aux cheveux noirs, aux yeux en amande et aux traits effacés lui réfléchissait sa propre surprise. « Qu'est-ce que c'est ? » bégaya-t-elle. Le petit homme avait remué les lèvres au même rythme qu'elle. « Un déguisement efficace !» lui répondit Bérénilde. « Le seul bémol, c'est votre voix et votre accent. Mais quelle importance si vous êtes muette ?» Ophélie vit les yeux du jeune homme s'agrandir. Elle porta la main à ses lunettes pour vérifier si elles étaient toujours là, étant donné qu'elle ne les voyait plus. Son reflet paraissait manipulé du vide. « Il faudra éviter aussi les tics de ce genre, » se moqua Bernilde. « Alors, qu'en pensez-vous ? Je doute que vous intéressiez qui que ce soit sous cette apparence. » Ophélie acquiesça en silence. Son problème venait de trouver une solution.